tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, il était une fois le roman, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a les livres qu'on a aimés, les histoires qu'on a dans la tête et cette envie de savoir comment elles en sont arrivées à être imprimées et à envahir nos bibliothèques, y compris celles qui se passent dans les landes brumeuses. Alors pour commencer, les personnages. Une libraire qui lit Byron, un chercheur au téléphone, une chercheuse qui explique, une autre qui scrute la modernité, Jane Austen, les sœurs Brontë et un conservateur qui raconte Balzac. Ensuite, le décor. Un cabinet de lecture, un club, le mensonge, la mauvaise réputation, le protestantisme, des rayonnages, du gothique, un infanticide, l'industrialisation et la culture de masse. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive à la librairie. De littérature, de romans. Oui, je peux l'avoir éventuellement demain. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. En 1801, en fait, cette librairie était surtout un cabinet de lecture. Et donc, rue Vivienne, le cabinet de lecture est un lieu où se retrouvent les Anglais, mais où on peut surtout emprunter. C'est un peu un genre de bibliothèque, sauf que c'est un système avec un abonnement qui peut se faire à la semaine, au mois, à l'année. J'ai encore des tarifs de cette époque. Et on peut aussi y lire des journaux, aussi bien que des livres. Et voilà, donc c'était un lieu de, à la fois de lecture, mais aussi de rencontre. C'était un genre de club anglais, en quelque sorte, à cet endroit-là. Donc ça, voilà. Le roman Made in England. Ça, c'est signé par Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. Lord Byron, pair d'Angleterre, je sous-signé, déclare cédé à M. Jean-Antoine Galignani, libraire à Paris, mes divers ouvrages pour les vendre exclusivement en France, en toute propriété. Et après, on n'arrive pas très bien à lire. Et en tirant le nombre d'exemplaires qui lui conviendra. La terrasse se terminait à la tour sud-ouest, qui, comme nous l'avons dit, était une ruine infestée de hiboux. C'est là que Sysrop s'asseyait le soir, sur un fragment de pierre moussue, adossé au mur en ruine, un dais épais de lierre où gîtait un hibou au-dessus de sa tête et les souffrances du jeune Werther à la main. Il avait déjà le goût des romans avant d'aller à l'université où, et ceci doit être mis au crédit de son collège, on avait réussi à le guérir de l'amour de la lecture sous toutes ses formes. Et cette guérison eût certainement été radicale si sa déception amoureuse et la solitude totale où il se trouvait n'avaient pas amené une rechute. Il se mit à dévorer des romans et les tragédies allemandes. Et sur la recommandation de M. Flosky, à méditer sur de pesants volumes de philosophie transcendantale dont le jargon mystique et les images nécromantiques trouvèrent tout de suite le chemin de son cœur. Dans la solitude propice de Nightmare Abbey, ses idées délirantes de romans métaphysiques et de métaphysique romanesque eurent amplement le temps de s'enraciner dans une terre déjà fertile en chimères et de produire rapidement une abondante et vigoureuse végétation. Thomas Love Peacock, Nightmare Abbey, 1818. Give me something to grasp. Give me your beautiful crumbling heart. Another disaster. Catharsis, another half discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical. Innombrables sont les récits du monde, mais aujourd'hui pas de Nastassia Philipovna, pas de Don Quichotte ni de Franz Bieberkopf. C'est dans le berceau du roman moderne que nous nous plongeons, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, alors que le roman prend son essor et se joue de toutes les formes, autobiographie, picaresque, satire ou pornographique. En un siècle, grâce à la révolution industrielle et à l'essor du roman feuilleton, une forme va s'imposer dans toute l'Europe. Roman historique à la troisième personne et pas grand-chose d'autre, dira Franco Moretti. De Dickens au Brontë, c'est l'avènement du roman victorien, miroir de l'Angleterre impériale, Workshop of the World. Retour sur la naissance d'un genre avec Jean Viviès. Alors, le roman n'était pas un genre prestigieux. Et même certains auteurs masculins, qui étaient connus par ailleurs pour d'autres raisons, publiaient sous un pseudonyme féminin, ou anonymement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que, en réalité, quand le roman apparaît, la fiction n'a pas de statut esthétique, n'est pas une catégorie critique. Et le mot fiction en anglais, fiction, est même un terme au début du XVIIIe siècle péjoratif. Ça veut dire mensonge. C'est la raison pour laquelle, sur la page de titre ou dans la préface, l'auteur, anonyme ou nommé, va souvent dire qu'il s'agit d'une histoire vraie. Robinson Crusoe est présenté comme une histoire vraie. La plupart des romans de la première moitié du XVIIIe siècle se présentent comme des histoires vraies. Ils s'appellent d'ailleurs history, etc. En utilisant toute une série de procédés que le roman français utilise aussi. D'ailleurs, le manuscrit trouvé, le témoignage de quelqu'un qu'on a rencontré, d'un voyageur, etc. Et ce n'est que progressivement que l'idée que quelque chose de contemporain n'est pas exact ne lui dénie pas une valeur, mais au contraire peut lui donner une valeur esthétique. Alors ça paraît évident aujourd'hui que le roman est un genre littéraire majeur, mais il ne l'était pas. Et ce qui fait qu'un certain nombre de grands auteurs du XVIIe et même du XVIIIe siècle se seraient sentis déconsidérés par le qualificatif de novel, et c'est le cas de Swift par exemple, qui se serait senti plus que déconsidéré si on l'avait désigné sous le nom de noveliste, même s'il a écrit une œuvre de fiction, Les Voyages de Gulliver, 1726, mais qu'il a écrite en riposte à Defoe, qu'il méprisait, parce que justement il écrivait des romans. On va ouvrir parce que elle est souple, parce que comme les livres sont du XVIe siècle, ils sont très fragiles. Daniel Cilien Sabatier, librairie Galignani. Et là, vous avez l'étiquette Galignani. Et donc, ce sont des English Classics. Voilà, Thomas More. C'était des formats qui se pratiquaient beaucoup à l'époque. Même vous aviez beaucoup de livres français aussi qui étaient de ce format-là. 5 cm sur une dizaine. Je pense que c'était assez fréquent d'avoir ce type de format, puisque dans des bibliothèques françaises, j'en ai trouvé aussi. C'est très petit, hein. Voilà, très bien relié toujours. Nancy Audot. Mauvaise réputation, mais bizarrement, ce sont finalement les hommes d'église qui vont théoriser les premiers le roman, la narration, et même qui vont la pratiquer. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. L'idée, c'est que les protestants refusent cet art du mensonge, qu'est le roman, donc la fiction. Le roman est accusé de mentir et d'éloigner de Dieu. Pour les protestants, tout ce qui éloigne de l'évangile est à proscrire. Côté catholique, on va retrouver un peu la même chose, c'est-à-dire que la narration est une fiction qui éloigne des vérités divines. Le roman, c'est ce qui corrompt la jeunesse, comme si lire des romans, des histoires d'amour, invité à faire l'amour. Marie-Laure Massey-Chamaillot. Si le roman anglais exerce une telle fascination sur les Français, c'est notamment aussi pour une question politique et je dirais même philosophique, parce que la question de la modernité, elle est intrinsèquement liée à l'attrait qu'exerçait l'Angleterre pour les philosophes des Lumières. On sait par exemple que Jonathan Swift, qui a publié Les Voyages de Gulliver en 1726, a profondément inspiré le Micromégas de Voltaire, publié en 1752, et Voltaire admirait particulièrement la glorieuse révolution de 1688, qui avait donné naissance en Angleterre à la monarchie parlementaire. Et effectivement, si on compare les deux pays, alors que la France était une monarchie absolue et absolutiste, en Angleterre, dès 1695, on a la liberté de la presse. Donc la force et la modernité de l'Angleterre venait de son consensus politique et aussi sans doute d'une alliance entre l'élite aristocratique foncière et la haute bourgeoisie des négociants et des armateurs. Donc il y avait en Angleterre à la fois un consensus politique, pragmatique, mais aussi une association entre deux classes sociales et l'émergence des middle classes, qui explique l'essor du roman et sa modernité en Angleterre. L'Angleterre est déjà dans une période post-révolutionnaire, sa révolution, on appelle parfois glorieuse, ayant eu lieu en 1688, alors que la France est dans une situation pré-révolutionnaire, la révolution intervenant un siècle après, 1789, comme chacun sait. Donc, la littérature de la France est une littérature souvent engagée, une littérature de combat, une littérature des Lumières, où le roman n'est qu'un des vecteurs littéraires parmi d'autres, alors que l'Angleterre est dans une situation post-révolutionnaire, ou pour adopter un vocabulaire post-marxiste, on pourrait dire que la bourgeoisie est aux commandes, et donc le livre devient un bien que l'on peut consommer. La bourgeoisie est aux commandes. Apparaissent à cette époque des bibliothèques de prêt. Les livres ne sont pas là simplement pour orner la bibliothèque familiale. Et donc ce nouveau public, finalement, pour forcer le trait un peu, on pourrait dire que ce nouveau public d'artisans, de commerçants qui savent maintenant lire, de femmes aussi, il a envie qu'on lui raconte des histoires de gens comme lui, des aventures qui pourraient être vraisemblables, qui pourraient être probables, qui se passent dans un Londres qui est décrit, dans des villes qui sont décrites, qui mettent en scène des aventures dites réalistes. Alors que la littérature contemporaine en France n'a pas tout à fait le même ordre de préoccupations. Et puis ce qui différencie aussi l'Angleterre à l'époque des autres nations, c'est l'affirmation du protestantisme, qui implique un lien particulier entre le seigneur et l'individu, un lien beaucoup plus direct à travers les écritures. Donc le roman anglais met beaucoup plus l'accent sur l'individualisme et à nouveau le pragmatisme. Donc on s'intéresse vraiment aux conditions de la connaissance, comment l'individu peut cheminer. On s'intéresse au progrès, alors je n'ose pas dire au progrès psychologique parce que ça serait peut-être anachronique au XVIIIe siècle, mais en tout cas, on s'intéresse vraiment au progrès d'un personnage à travers une série d'épreuves symboliques, et ce progrès-là marque l'accession à un nouveau statut, ou pas, moral, pas seulement social, du personnage. Alors ça, c'est l'approche classique, c'est l'approche classique qui a servi de canon critique pendant des décennies pour des générations d'étudiants et de critiques formés au modèle britannique. Elle a été un peu revue. Elle a été revue d'abord sur des détails, elle a été un peu affinée. C'est-à-dire qu'on a mis en relation le roman avec d'autres phénomènes que le phénomène purement socio-historique. Et elle a même été radicalement contestée, cette tradition de l'émergence du roman anglais lié à l'essor de la bourgeoisie, par des critiques notamment américaines, qui ont estimé que ce découpage-là, c'est-à-dire cette décision de dater un essor au début du XVIIIe siècle, était en fait tout à fait contestable, puisque la fiction narrative a toujours existé. La narration, de toute façon, est une sorte de trait anthropologique permanent, et qu'il y avait quelque chose d'artificiel et même de suspect. La fiction narrative a toujours existé. L'Angleterre, finalement, s'attribuer en quelque sorte le lieu et le temps de naissance d'un genre qui était voué à devenir le genre dominant. Oui, vous voyez, on avait tous les formats. Voilà. Là, je vois les quatre volumes des romans de Scott. Oui, alors, vous l'avez en plusieurs fois, puisque vous en avez là aussi, les nouvelles. Nouvelle édition, d'ailleurs, en 5 volumes. Ça, c'est le volume 4. Alors, l'activité d'édition, elle s'est arrêtée avec la loi sur les droits d'auteur en 1852. Et donc, à ce moment-là, ils ont décidé de développer beaucoup la partie librairie. Et donc, c'est d'ailleurs là qu'ils ont déménagé de la rue Vivienne à la rue de Rivoli. Il y a une influence, d'ailleurs croisée, de l'Angleterre et de la France au XVIIIe siècle. Aussi bien Montesquieu que Voltaire, Rousseau même, sont influencés par l'Angleterre, et les idées françaises influencent toute une série d'esprits en Angleterre à la même époque. Alors, au niveau des formes littéraires, il y a bien sûr des passages. Par exemple, l'une des œuvres les plus connues de Diderot, Jacques le Fataliste, est directement inspirée d'un roman de Sterne qui s'appelle Tristram Shandy. Donc il y a une inspiration directe chez Diderot de Sterne. Et on a même un vrai libraire anglais qui est anglais, voilà. Mais qu'est-ce donc qui embarrassait ainsi mon oncle Toby ? Ah ça, vous ne devinerez jamais. Le pourriez-vous ? Que j'en rougirais de honte. Non point en parents, non point en hommes, non point même en femmes. Non. Si je devais en rougir, ce serait dans l'emploi qui est le mien, celui d'auteur. Car dans ce rôle, je ne suis pas peu fier, s'agissant de ce genre de casse-tête que mon lecteur n'ait encore jamais réussi à en deviner ni quoi ni qu'est-ce. Alors, monsieur, pour ce qui est du présent brouillamini et de celui qui se prépare, croyez-moi, je suis d'une humeur si chatouilleuse, si imprévisible, que si je vous pensais capable de vous faire la moindre opinion, de former la moindre conjecture fondée sur le plus léger soupçon de probabilité au regard de ce qui pourra se produire à la page suivante, j'arracherais cette page de mon livre. Fin du premier volume. Laurence Sterne, Tristram Shandy. Oui, il est bilingue. C'est l'un après l'autre, en fait. Campagne de l'Inde. Voilà. Voilà le genre de... Ça pèse un âne mort. Tristram Shandy est un roman donc, des années 1760. Il a paru en plusieurs parties. Donc, le premier volume de mémoire a paru en 1759 et le dernier en 1767. C'est à la fois la quintessence du roman, parce qu'il en reprend tous les procédés, et un roman paradoxal, qui est une sorte de méta-roman, d'ailleurs à l'époque du nouveau roman français, non, là je parle de celui des années 60, on voyait beaucoup dans Sterne une sorte d'ancêtre du nouveau roman par cette façon qu'il avait de dénuder les procédés du roman, de faire apparaître les conventions romanesques, par exemple... Sterne va écrire quelque chose comme « Bon, écoutez, lecteur, maintenant on est fatigué, allez fermer la fenêtre et on reprendra plus tard. » Donc, d'une certaine façon, accusant ou soulignant le caractère fictionnel du livre qu'on est en train de lire. Donc, c'est un procédé qui a beaucoup intéressé les modernes. Donc, influence forte de Sterne sur Diderot, qui lui, évidemment, est dans un autre combat. Sterne était un pasteur. Diderot était un militant des Lumières, pourrait-on dire, mais il a été intéressé par cette forme extrêmement libre et souple que Sterne donnait à son roman pour son propre Jacques le Fataliste. After a long and painful journey through life, with a heart exhausted by afflictions and eyes which can no longer supply tears to lament them, I turn my every thought toward that grave on the verge of which I hover. Oh, why then, too generous friend, require me to live over my misfortunes? Such has been the peculiarity of my fate, that though tortured with the possession and the loss of every tie and hope that exalts or endears humanity, let but this feeble frame be covered with the dust from which it sprung, and no trace of my ever having existed would remain, except in the wounded consciences of those who marked me out of a solitary victim to the crimes of my progenitors. For surely I could never merit on my own the misery of living as I have done, of dying as I must do. Sophia Lee, The Recess. Le XVIIIe siècle a vraiment une ambition pédagogique, c'est le siècle des Lumières, et la littérature devient un moyen d'éducation, et ce moyen d'éducation est renforcé par des progrès techniques liés à la production même des livres. Marie-Laure Massey-Chamaillot. Mais aussi des progrès liés à la diffusion de ce savoir, puisqu'en Angleterre, il y a un réseau extrêmement efficace et serré de bibliothèques de prêt. Et grâce à ces bibliothèques de prêt, les femmes vont avoir accès a énormément de romans sentimentaux, des romans gothiques. Et donc, plusieurs genres vont émerger et le roman sentimental va trouver son public, va rencontrer son public en choisissant pour héroïne des jeunes femmes luttant pour préserver leur vertu face aux assauts des rakes, ces fameux roués libertins et intrigants que l'on retrouve aussi dans un avatar du roman sentimental qui est le roman gothique. Voilà, édité par Galignani. Ça doit être 1815, je pense. John Murray, voilà, les... And other respectable booksellers, donc uniquement les libraires respectables. Vous avez toute la série, pareil, des classiques, en Everyman's Library. Très importante. Vous avez retrouvé Jane Austen, vous avez Simone de Beauvoir. Et donc ça, c'est un livre de prière, j'imagine. Il est significatif que des quatre grandes romancières, Jane Austen, Emily Bronte, Charlotte Bronte, George Eliot, aucune n'a eu d'enfant et deux sont restées célibataires. Pourtant, s'il est clair que l'interdiction d'écrire a été levée, il y a en outre, il semblerait, quelques forces qui poussent les femmes à écrire des romans. Quatre femmes n'ont jamais pu être aussi différentes les unes des autres que ces quatre-là. Il se peut que Jane Austen n'ait rien eu en commun avec George Eliot. George Eliot était exactement l'opposé d'Emily Brontë. Toutes, pourtant, étaient préparées à faire le même métier. Toutes, quand elles écrivirent des romans. Le roman était, comme il est toujours, ce qu'il y avait de plus facile à écrire pour une femme. Et il n'est pas difficile d'en trouver la raison. Le roman est la forme d'art qui exige le moins de concentration. Un roman peut être pris ou laissé plus aisément qu'une pièce de théâtre ou un poème. George Eliot a abandonné son travail pour soigner son père. Charlotte Bronte posait sa plume pour enlever les yeux des pommes de terre. D'autre part, vivant dans la salle commune, entourée de gens, une femme était exercée à l'observation et à l'analyse du caractère. Elle était préparée à être une romancière, non un poète. Virginia Woolf, l'art du roman. Hearts that threatened to pump their boxes as we advanced into the sun. D'un côté, donc le modèle, c'est la figure idéale de la proper lady, Marie-Laure Massey Chamaillou. De l'autre, c'est la folle hystérique. Donc d'un côté, on a la figure idéale de la proper lady qui est théorisée par les conduct books, ces manuels de conduite tout au long du XVIIIe siècle, qui exigeaient des femmes qu'elles fussent chastes, pieuses, sans passion ni désir. L'anglais le dit bien « selfless ». Or, l'ange du foyer est incarné donc au XIXe siècle, sans doute par une Jane Eyre, tandis que l'envers est aussi dans le chef-d'œuvre de Charlotte Bronte, et l'envers, c'est la première épouse de Rochester, c'est l'épouse légitime, c'est Bertha Mason, qui est enfermée par Rochester dans le grenier de leur demeure, parce qu'elle souffre d'hystérie, elle souffre de démence, donc là aussi l'hystérie, maladie prétendument particulièrement féminine, puisque liée à l'utérus, et la critique féministe a fait à raison de Bertha Mason, l'incarnation de la part noire de Jane Eyre, de l'héroïne, son double maléfique, mais aussi peut-être une projection de ce que Jane Eyre elle-même peut devenir une fois mariée à Rochester, une fois possédée, et possédée dans tous les sens du terme, hein, sexuellement, mais aussi aliénée, une fois qu'elle est mariée. C'est un tournant parce que Jane Eyre, donc publiée en 1847, hein, très grande année pour les Brontë, puisque les trois sœurs publient leurs trois romans la même année, et Jane Eyre marque un tournant parce qu'elle parvient à fusionner plusieurs traditions, la tradition réaliste, romantique, et la tradition du roman noir, donc le roman gothique. Hein. Oh, it gets dark, it gets lonely. On the other side from you, I pine a lot. I find the lot falls through without you. I'm coming back, my love. Cruel Heathcliff, my one dream my only master. C'est ça qui est frappant dans le roman anglais des 18e et 19e siècles, l'omniprésence des femmes. La violence et l'injustice de leurs conditions, qu'elles soient issues des bas-fonds ou de la gentry, se retrouvent au cœur de la société grâce aux romans de Trollope ou de Thackeray. Et bien sûr, ceux des sœurs Brontë, de Jane Austen ou de George Eliot, dont Virginia Woolf dira que de tous les écrivains anglais du 19e siècle, elle est la seule à avoir écrit un roman pour adultes. Heathcliff, it's me. I'm Cathy. I've come home. I'm so cold. Let me in your window. George Eliot est un monstre sacré à l'époque victorienne. Elle impressionne par son savoir immense. Elle impressionne par la qualité de son érudition. Ses romans sont d'une complexité inouïe parce que, avec elle, les limites du roman reculent. Elle essaye à la fois de prendre en compte et vraiment d'englober dans son roman tout ce qu'elle comprend des progrès, des mutations politiques de son époque, mais elle réfléchit aussi aux conditions qui sont offertes aux femmes. Et elle-même était dans un entre-deux complexe, puisqu'elle était avec George Henry Lewis, qui était marié, qui n'a pu divorcer de sa première femme, mais elle vivait maritalement avec lui, ils étaient méprisés, voire honnis, pendant un certain temps, par une partie de leur connaissance. Donc, un peu comme George Sand, hein, elle avait une vie déjà compliquée sur le plan personnel, donc je pense que elle l'a transformée en force pour pouvoir mieux affronter la complexité de ce que vivaient aussi ses contemporains, puisque ce sont des femmes transgressives, ne serait-ce que par leur patronyme, même si elles étaient tout de même obligées d'employer quand même un pseudonyme pour publier, parce que le simple fait de publier faisait sortir la femme de la sphère domestique pour l'exposer dans la sphère commerciale, de la concurrence du désir, de la consommation. Donc rien que ça, c'était une transgression. Et donc George Eliot a peut-être, plus que quiconque, conscience, parce qu'elle n'était pas mariée, parce qu'elle vivait en union libre avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, parce qu'elle élevait ses enfants à lui, qu'elle n'en a pas eu elle, elle était peut-être aussi particulièrement sensible à toutes ces questions-là et au tragique de la condition de la femme. Et ça ne se termine pas toujours bien. Quand on ne peut pas avoir de happy end au sein du cadre réaliste, eh bien, effectivement, on est au-delà de la romance. On est dans une fin triste et tragique, mais c'est aussi le réel et la réalité. Je me nomme John Holding. Je suis journalier et je vis à Ted's Hall, à 3 km de Stonington. Lundi dernier, vers 1h de l'après-midi, j'allais au taillis de Hitton. À 400 mètres du taillis, j'aperçus la prisonnière en cape rouge, assise sur un tas de foin, non loin de la barrière. Elle avait l'air un peu folle, je me retournais. Elle allait droit devant elle. J'entris dans une clairière lorsque j'entendis un cri étrange. Ce n'était pas le cri d'un animal connu. Je poursuivis mon chemin. Mais il persistait, il me paraissait si étrange en ce lieu que je ne pus m'empêcher de m'arrêter. Je cherchais sans trouver. Finalement, le cri cessa. Je revins par la même route 1 heure après environ et je posai mes piquets pour regarder de nouveau. En me baissant, je vis un objet rond et blanchâtre sortant du buisson de noisetier à côté de moi. Je me mis à genoux pour le ramasser. C'était la main d'un petit enfant. À ces mots, un gémissement parcourut l'assemblée. Hetty tremblait. Pour la première fois, elle écoutait le témoin. Du bois fondu avait été rassemblé en un point où le sol se creusait sous le buisson et la main sortait de là. J'aperçus une vide, je regardais et vis la tête de l'enfant. En toute hâte, je repoussai l'herbe et le bois et saisis le petit corps. Il était bien vêtu, mais son corps était froid. Je sortis rapidement du bois et je l'apportai à ma femme. Elle dit qu'il était mort et que je devais le porter à la paroisse et en parler aux gardes. J'ajoutai, je jurerai que c'est l'enfant de la jeune femme que j'ai rencontrée en allant au taillis. George Eliot, Adam Bede. Cet infanticide est en fait inspiré d'un fait réel. Nancy Odo. Qui est rapporté dans le Times en 1859. Donc, histoire d'une jeune femme naïve, Mary Jones, séduite et abandonnée, est tellement désemparée et désespérée qu'elle en vient à égorger son enfant à la naissance. Il est vrai que le fait même d'évoquer cet infanticide dans un roman et plus seulement sous la forme d'une métaphore ou sous la forme comme dans Sense and Sensibility, alors il n'y a pas un infanticide mais il y a une femme séduite et abandonnée, mais le récit de Jane Austen est extrêmement encadré par la narration très prudente du colonel Brandon. Donc Jane Austen prend mille formes pour être sûre de ne pas se laisser déborder par cet épisode mélodramatique hein, dans Raison et Sentiment, alors que là, oui, George Eliot évoque l'infanticide, ce qui prouve bien que ces romancières ne s'interdisaient pas grand-chose, qu'elles entendaient s'emparer de sujets de société, comme le sort de la femme déchue à cause de prédateurs sexuels, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agissait déjà, des prédateurs sexuels qui condamnaient les femmes à masquer leur grossesse, et le fait même de masquer sa grossesse était d'ailleurs considéré comme un crime à l'époque. Et évidemment, George Eliot en montre le développement ultime, c'est-à-dire l'infanticide dans toute son horreur. Donc effectivement, on a vraiment des romancières qui sont offensives. Et le roman victorien a cela de remarquable qu'il agit sur ces représentations en suscitant une prise de conscience. On sent que beaucoup d'esprits sont passés là et je dis toujours parfois quand je suis seule ici le soir, quand il y a un livre qui tombe, ce qui arrive souvent, ça arrive, les livres ont une vie. Et quand il tombe, je regarde toujours parce que je me dis, bon, ça c'est un signe, c'est un esprit qui passe. Et voilà, donc c'est assez amusant. 10,30€, il est 10€ le deuxième prix. D'accord. Je viens de commander. Je vais quand même mettre un peu de lumière. Revenons maintenant sur le continent, à Paris 16e, plus précisément rue Raynouard, dans la maison de Balzac, pour poursuivre le récit de ce roman du 19e, qui va vivre son industrialisation avec l'essor de la presse et du roman feuilleton. Yves Gagneux, du musée Balzac. C'est en fait juste un appartement. Balzac est arrivé, il n'avait pas les moyens d'acheter, puisqu'il était poursuivi par des huissiers, et il a simplement loué un 5 pièces dans une propriété qui était découpée en appartement. Et Balzac se plaint, parce qu'en dessous, il y a des enfants qui font du bruit. Juste sous son cabinet de travail, il y a un blanchisseur qui fait bouillir son linge. Et donc Balzac, en été, a le soleil sur la tête et le linge qui boue par-dessous, c'est une horreur. Voilà. Mais en même temps, il est tranquille, personne ne le visite ici, ou pratiquement personne, seuls quelques amis très intimes, David d'Angers, Théophile Gautier, mais vraiment très peu de monde. Et il va donc travailler et construire cette œuvre qui est vraiment ce qui nous importe. Si on prend l'histoire de la presse au XIXe siècle, on est effectivement devant un phénomène d'industrialisation massive et de démocratisation massive du texte, puisqu'on passe en 80 ans, si je démarre en 1836, au moment de la naissance du roman feuilleton, d'une presse quotidienne dont les titres importants tirent à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. À la fin du siècle, on arrive à une presse quotidienne pour lesquelles 4 titres, Le Petit Journal, Le Matin, Le Petit Parisien et Le Journal, tire à plus d'un million d'exemplaires. Marie-Ève Terenti. Quand on sait qu'un tirage dans une maison d'édition au début du siècle, c'est environ 1500 exemplaires, on voit immédiatement la différence d'audience que va apporter le support journal. Alors, c'est un essor faramineux de la presse hein, qui est permis, bien sûr, par la révolution industrielle et un certain nombre de progrès dans la mécanisation de l'impression, passage de la vapeur à la rotative, par exemple. Mais c'est surtout un essor de la presse qui est favorisé par l'alphabétisation. Et donc, si on prend le premier grand phénomène romanesque médiatique, Les Mystères de Paris, par exemple, d'Eugène Sue, qui paraît dans le Journal des débats en 1842-43, on peut dire que c'est le premier roman lu grâce au journal par toutes les classes sociales indistinctement. Hein, c'est ce qui fait la différence avec les grands succès du XVIIIe siècle. On parle souvent de la Nouvelle Héloïse. La différence entre la Nouvelle Héloïse comme succès et les Mystères de Paris, c'est que les Mystères de Paris, par une sorte de phénomène, de viralité, d'enthousiasme, suscité par le support presse aussi, ou en tout cas par la manière dont un certain nombre de personnes parmi les plus démunies vont se donner le droit d'accéder à ce support presse. Donc, grâce à cette nouvelle donne, en fait, on arrive à entrer avec le roman feuilleton en régime culturel de masse. Plus de 800 000 lecteurs ont lu le roman à sa sortie, ce qui est évidemment énorme. C'est le moment de la Gazette des Tribunaux en particulier, donc qui est publiée et dont Christine Mercandier. Un écrivain comme Stendhal est extrêmement friand et qui va puiser dans cette Gazette des Tribunaux le fait divers, ou plutôt d'ailleurs les faits divers qui sont à l'origine du Rouge et le Noir, donc en 1830, qui est l'histoire, on le sait, de Julien Sorel, qui a été... condamné dans le roman pour, non pas un meurtre, mais pour avoir tiré sur Madame de Rênal. Et Stendhal s'inspire de deux faits divers pour les romancer. Et ça crée dans son roman quelque chose de très particulier pour le lecteur de l'époque, puisque un lecteur de 1830, bien sûr, connaît les deux faits divers à l'origine de l'inspiration de Stendhal. Mais dans un cas, le suspect a été condamné à mort et dans l'autre, il a été acquitté. Et donc, finalement, il y a un suspens pour le lecteur, ne sachant pas de qui Stendhal s'est principalement inspiré et donc quelle sera la fin du livre. La formule la plus courante qu'on retient du roman feuilleton, c'est la suite au prochain numéro. Hein. Cette jeune fille frêle tendait le cou, le monstre leva son couteau, la suite au prochain numéro, c'est ce qu'on a souvent retenu. C'est souvent juste, hein. Le roman feuilleton, parce qu'il est, il a souci d'aller à la rencontre de son public, de susciter l'intérêt, de susciter l'abonnement aussi, il a impliqué petit à petit la multiplication des péripéties, la brisure de la règle des trois unités, hein, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, pour au contraire multiplier les lieux, les espaces, les temporalités, les intrigues. Il y a eu aussi la tendance à une certaine stéréotypie des personnages, femmes fatales, des méchants très méchants, etc. Et au niveau thématique, on a eu souvent l'impression que le roman feuilleton traitait des dessous de la société. Descendre dans les bas-fonds urbains, l'univers du crime, l'esthétique de la violence, une esthétique de la répétition fondée sur le retour des mêmes péripéties, etc. L'importance du dialogue aussi. Et sans doute les Mystères de Paris, par exemple, sont le premier roman vraiment à utiliser cette esthétique. Mais il ne faut pas oublier que cette case feuilleton à l'intérieur du journal, c'est une case feuilleton qui a accueilli en fait toute la production littéraire de l'époque. Et pas seulement ceux qu'on a par la suite épinglés comme les grands romanciers populaires, c'est-à-dire Sue, Dumas, Soulier, Féval... mais aussi Dumas, Sand, même Flaubert écrit dans la Revue de Paris. Hein, même Flaubert est soumis au régime périodique à la fin du siècle. Zola aussi écrit dans la case feuilleton. En fait, il faut penser aussi, par exemple, que le roman réaliste a sans doute été formé par cette case feuilleton et la place de cette case en bas de page, dans le journal, hein, il y a des effets de porosité qui se sont créés aussi avec le haut de page. Et c'est peut-être, à mon avis d'ailleurs, peut-être le plus intéressant, en fait. En tout cas, ce qui a été le moins dit et peut-être ce qu'il faut vraiment prendre en compte pour penser l'histoire du roman en miroir de la presse. Il faut réfléchir, en fait, au fait que le support presse a été le support de publication de toute la littérature romanesque à cette époque. Donc d'un côté, ça a créé le roman de cap et d'épée, le roman policier, le roman judiciaire, donc ça a été matriciel pour créer des genres, mais aussi ça a été absolument matriciel pour comprendre le glissement vers une esthétique réaliste. Voilà, donc là, nous entrons dans une petite pièce qui était autrefois la chambre de Balzac, mais il faut vraiment le savoir parce que vous n'y verrez ni son lit, ni sa robe de chambre, ni rien du tout. Ça n'est à vrai dire pas du tout ce qui nous intéresse. Sur les murs, nous avons mis toute une série de citations prises un peu partout, à toutes les époques. Il y a des citations tout à fait récentes prises sur des blogs, comme il y a des commentaires de contemporains de Balzac. Et les gens vont parler d'écrivains et dire tout et son contraire. Donc on aura des choses qui sont très désagréables, comme littérateur de troisième ordre, comme cet homme n'a en effet de l'élan que pour le ridicule, de poésie que pour le vice, de dévouement que pour la sottise. Mais on aura aussi Stendhal disant que j'admire cet auteur, Colette s'extasiant devant Balzac. Donc nous avons mis quelques citations en allemand, une citation de Goethe et des citations en anglais comme Aldous Huxley ou celle-là d'Oscar Wilde en 1886. Balzac is our most important magazine of documents on human nature. Et Oscar Wilde admirait profondément Balzac, comme beaucoup, la plupart des grands écrivains, Stefan Zweig de la même manière, Henry James, Goethe, enfin la plupart des grands écrivains ont aimé Balzac et à chaque fois, malgré tout, pour des raisons différentes. C'est très intéressant en fait le cas Balzac et c'est un cas particulièrement révélateur de l'importance de la casse-feuilleton dans la presse. Alors d'abord, Balzac, il a quand même créé quelques grands succès du roman feuilleton. D'abord, La Cousine Bête ou Le Cousin Ponce, par exemple, et puis une partie de Splendeur et Misère des Courtisanes. Ce sont des grands succès feuilletonesques. Et là, il a pratiqué une sorte de roman feuilleton parodique, c'est-à-dire qui respectait à la fois les règles du roman feuilleton et en même temps il y avait une sorte de détachement, notamment dans l'utilisation de certains titres ou de certaines péripéties qui montraient qu'on était dans une posture qui était beaucoup plus ironique. La Cousine Bête, par exemple, s'est paru dans le journal Le Constitutionnel. Je pense que le roman feuilleton a été, et le journal en général, a été absolument crucial pour la fondation de la comédie humaine. D'abord pour la fondation du rubriquage, en quelque sorte, pour reprendre un terme journalistique de la comédie humaine, qui se découpe en parties qui reprennent largement un rubriquage journalistique, scène de la vie politique, scène de la vie parisienne, scène de la vie privée, on est dans la chronique et puis aussi dans l'article de fond, l'article politique. Il y a une sorte de découpage et aussi une sorte de kaléidoscope où les choses pouvaient bouger, les articles en quelque sorte de sa comédie humaine, les romans de sa comédie humaine, considérés comme des articles, pouvaient être bougés comme s'il était une sorte de secrétaire de rédaction en charge de composer la maquette de son journal. Alors maintenant, nous entrons dans une pièce, une atmosphère complètement différente. C'est vraiment le reliquaire de la maison. Il s'agit du cabinet de travail de Balzac. Donc nous avons cette toute petite table, une petite table en bois tournée du XVIIe siècle, qui est vraiment la sienne et qu'il a promenée de domicile en domicile. Et si vous regardez bien sur le plateau, on voit les petites encoches qui sont là, ici et là. Sans doute, peut-être, on ne sait pas, les traces laissées par Balzac cherchant à rectifier sa plume. Il y a quelque chose de fondamental dans la comédie humaine qui tient à la temporalité quotidienne du journal, à l'intégration d'une sorte de réalisme du quotidien. Et ça, Balzac va être le premier à vraiment le systématiser avec l'idée que le roman aussi, en fait, doit parler du présent. Et puis, c'est aussi des tentatives de restitution d'un temps qui s'allonge. Alors, ce qu'on voit très bien, par exemple, dans la restitution des dialogues, et même des dialogues, de dialogues un peu anodins. C'est une façon, en fait, de travailler, par le roman, les nouvelles temporalités du quotidien, le quotidien des loisirs, le quotidien de l'interaction, etc., qui est très réaliste, qui constitue, en fait, un peu le fondement du roman réaliste, et que, sans doute, Balzac va apprendre comme l'actualité à l'intérieur du journal et qui va restituer à l'intérieur de cette case feuilleton, puisque finalement, quasiment l'ensemble de la comédie humaine a été publié effectivement dans le journal. Allons-y, nous continuons. Là, vous entrez ici, vous avez à peu près 340 personnages qui vous regardent. Il y a 2500 personnages dans la comédie humaine. Vous avez des gens relativement connus, comme le père Goriot, comme Rastignac, comme Vautrin, mais vous trouverez aussi Jésus-Christ, le héros de Jésus-Christ en Flandre. Vous allez trouver le poète italien Dante, vous allez trouver Robespierre. Voilà, la comédie humaine, c'est vraiment un ensemble très très vaste. Et encore une fois, si Balzac était encore vivant aujourd'hui, ça se poursuivrait de nos jours. Mais d'abord, saluez ce roi du mouvement parisien s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluez cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Ils sont rares et clairsemés dans cette cuve en fermentation. Rares comme les vrais amants dans le monde amoureux, rares comme les fortunes honnêtes dans le monde financier, rares comme un homme pur dans le journalisme. L'expérience du premier qui m'a dit ce que je vous dis a été perdue, comme la mienne sera sans doute inutile pour vous. Toujours la même ardeur précipite chaque année, de la province ici, un nombre égal, pour ne pas dire croissant, d'ambitions imberbes, qui s'élancent la tête haute, le cœur altier, à l'assaut de la mode. Cette espèce de princesse tourandocte des mille et un jours, pour qui chacun veut être le prince calafe. Mais aucun ne devine l'énigme. Tous tombent dans la fosse du malheur, dans la boue du journal, dans les marais de la librairie. Ils glanent, ces mendiants, des articles biographiques, des tartines, des faits paris aux journaux, ou des livres commandés par de logiques marchands de papier noircis, qui préfèrent une bêtise débitée en 15 jours à un chef-d'œuvre qui veut du temps pour se vendre. Ces chenilles, écrasées avant d'être papillons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à mordre ou à vanter un talent naissant sur l'ordre d'un pacha du constitutionnel, de la quotidienne, des débats, au signal des libraires, à la prière d'un camarade jaloux, souvent pour un dîner. Ceux qui surmontent les obstacles oublient les misères de leur début. Moi qui vous parle, j'ai fait pendant 6 mois des articles où j'ai mis la fleur de mon esprit pour un misérable qui les disait de lui, qui sur ses échantillons a passé rédacteur d'un feuilleton. Il ne m'a pas pris pour collaborateur, il ne m'a même pas donné 100 sous. Je suis forcé de lui tendre la main et de lui serrer la sienne. Et pourquoi, dit fièrement Lucien, je puis avoir besoin de mettre 10 lignes dans son feuilleton, répondit froidement Lousteau. Enfin, mon cher, travailler n'est pas le secret de la fortune en littérature, il s'agit d'exploiter le travail d'autrui. Les propriétaires de journaux sont des entrepreneurs, nous sommes des maçons. Balzac, Illusion perdue. Le discours des écrivains journalistes était extrêmement critique sur le journal, sur le journalisme, etc. Notamment, ils voyaient dans le journalisme essentiellement de la prostitution pour les écrivains. C'était vendre sa plume. Et donc, on est devant une sorte de schizophrénie massive des écrivains journalistes qui, en même temps, qu'ils ne font que participer à la presse, à la fois en intégrant leur roman dans la case feuilleton, mais aussi en écrivant des chroniques et puis plus tard des reportages. Et en même temps, ils ne font que vitupérer le journal, que le critiquer, que décrire les journalistes en eunuques ou en prostituées. Et donc Balzac, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'Illusion perdue, c'est une manière de décrier en fait un univers dans lequel il n'aspire qu'à être fondamentalement, en fait. Et il faut donc imaginer l'écrivain arrivant dans cette petite pièce. Nous sommes à la campagne, Passy est un village. Balzac s'installe là à minuit, donc il a un chandelier, il a sa cafetière, un encrier, du papier, et de minuit à 8 heures du matin, dans la nuit la plus totale, avec simplement le chant des merles à partir de 4 ou 5 heures du matin, Balzac va écrire, faire du manuscrit, il va mettre un monde imaginaire très précis sur le papier. On est dans le roman. À 8 heures du matin, Balzac fait sa toilette, déjeune, reçoit l'imprimeur qui va lui laisser ce qui a été imprimé la veille et emporter ce qui a été écrit pendant la nuit. Et à 9 heures du matin, Balzac se remet à cette petite table de travail. Et là, il va travailler jusqu'à 6 heures le soir. À 6 heures, nouvelle pause, il dîne, il se fait une petite promenade, fait sa correspondance, se met au lit, à 8 heures s'endort, 4 heures de sommeil bien mérité, et il recommence. Et ça, ce rythme-là, il peut le tenir plusieurs semaines de suite. Alors notamment, il y a Alfred Nettement, un critique conservateur qui très tôt publie 2 gros livres d'études critiques sur ce qu'il appelle le feuilleton roman, et qui est essentiellement une critique morale, pour dire, attention, ne laissez pas le journal aux mains des jeunes filles pures, parce qu'elles pourraient effectivement être perverties. Et puis il y a une deuxième critique, une critique esthétique. Par exemple, en 1839, avec Sainte-Beuve, qui écrit son article fameux contre la littérature industrielle, qui dénonce les dialogues, le fait que cette littérature tire à la ligne, que le vocabulaire est simplifié, etc. Donc il y a vraiment aussi une dénonciation de l'atelier du roman feuilleton, avec l'idée que ce serait un atelier collectif, et donc avec l'idée de l'apparition d'une idée de sous-culture là. À deux pas de sa paroisse, il peut, en cas d'une cérémonie importante, laisser sa place à un surnuméraire et aller chanter un requiem au lutrin de l'église, dont il est le dimanche et les jours de fête, le plus bel ornement, la voix la plus imposante. Il tord avec énergie sa large bouche en faisant donner un joyeux amen. Donc, la crainte de Sainte-Beuve, mais qui est partagée avec d'autres partisans de l'autonomie de la littérature, par exemple un Flaubert, c'est vraiment que ça soit l'ensemble du roman qui soit ainsi perverti, et même, on peut le dire, démocratisé, parce que c'est une façon aussi de dénoncer la démocratisation du roman qui s'opère à ce moment-là. Et donc, parmi les grands écrivains du 19e siècle, il n'y a pas que des Sandes qui favorisent la diffusion, au maximum la diffusion de leurs textes. Il y a également ceux qui pensent que le support va avoir des conséquences néfastes sur l'esthétique. Et donc, c'est quelque chose qui va concerner l'ensemble de la littérature. Balzac, par exemple, a été énormément critiqué au moment de l'apparition de La vieille fille, notamment dans les journaux satiriques, qui découpaient des petits morceaux de La vieille fille pour montrer combien, finalement, le passage par la presse avait entraîné des débordements ridicules dans les descriptions, dans les rebondissements, etc. Il y a même des journaux qui ont été créés que pour le Tintamarre, par exemple. C'est un journal qui était essentiellement conçu pour critiquer tout ce qu'ils appelaient le puffisme, c'est-à-dire justement cette volonté de faire le buzz autour du roman. Et donc, le Tintamarre se crée et crée des parodies pour montrer comment, si on continue comme ça, on va aller vers des récits de plus en plus loufoques, etc. Bon, c'est très, très drôle. Bon, moi, je pense que le journal, en fait, il a été un instrument essentiel de démocratisation et de modification de l'esthétique du roman, et que, en fait, il faut penser ça exactement comme on pense la règle des trois unités pour l'époque classique. C'est-à-dire, il faut penser ça comme un système de contraintes, et penser comment les écrivains réagissent à la contrainte. Bien, la contrainte, au XIXe siècle, elle est médiatique, c'est une contrainte de support, et l'écrivain, exactement comme l'écrivain classique, il va sublimer la contrainte des trois unités pour, comme racine, en faire des tragédies géniales. L'écrivain du XIXe siècle, que ce soit Balzac ou Zola d'une autre manière, ils vont intégrer ce qu'apporte le support journal, c'est-à-dire la proximité avec l'actualité, la proximité avec l'information, un public beaucoup plus massif, et puis un certain nombre de réalités qui tout d'un coup vont être intégrées au roman. Out on the wily windy moors, we'd roll and fall in the green. You have a temper like my jealousy. Too hot, too greedy. Le roman Made in England. How could you leave me when I needed to possess you? Avec Daniel Cilien Sabatier de la librairie Galignani. I loved you too. Jean Viviès, Nancy Audot, Marie-Laure Massey-Chamaillou, Christine Mercandier, Marie-Ève Terranti et Yves Gagneux du musée Balzac. Merci à Marina Decamp de l'INA. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Lecture Vali et Romain de Bec de Lièvre. Prise de son Claire Levasseur et Cédric Châtelus. Mixage Philippe Mercher. Le roman Made in England, Nathalie Battus et Christelle Le Polytech.